Confinement. Quand les autorités ont confiné l'humain, quand le monde bruyant s'est paré de silence, quand disparut enfin la folle effervescence, je me suis blottie dans ce confort soudain. Alors que je baignais dans la béatitude, pernicieusement vint s'installer l'ennui. Au cours des longues heures et des jours et des nuits, cette sérénité devint ma solitude. Insatisfaite, hélas, telle est ma vraie nature, qui, dans la calme paix, réclame du vacarme, mais en vint à verser aussi toutes les larmes en cet enfer forcé, funeste dictature. J'aime l'ivresse folle et ses troublants vertiges. Pour oublier la mort, j'ai voulu me distraire et dominer le sort décidément contraire, sans avoir à subir ces tragiques vestiges. Maintenant, interné, je redoute le pire, après que des barreaux ont poussé aux fenêtres, comme au fond de ma tête où l'angoisse pénètre, quand le temps dans l'attente si lentement expire.